Des chats, des gens. Boucher, bouger. Chez, je. Mange, mange. Jeune, jeune. Jour, jour. Âge, âge. Je, je. Choix, joie. Jardin, jardin.